sais pas de me raisonner. Pour toi j'ai tout fait, j'ai tout donné. J'entends ce que tu dis, tu déconnes. Je te préviens, tu ne mourras plus jamais, plus jamais. T'as toujours été sûr de toi. Malgré ça, tu t'es foutu de moi. T'as passé l'hiver au chaud sous mon toit. Après ça, tu ne mourras plus jamais, plus jamais. Je n'ai plus le temps pour ces conneries. Je t'ai jamais négligé, même quand j'étais dehors la nuit. Sur toi, je me suis trop investi. Tous tes arguments, je les entends, mais non, merci. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai fait des efforts et je les ai fait rien que pour toi. Ouais, je n'ai pas envie d'être courtois. Dans tes excuses, tu peux les prendre et te les mettre, je pense, ouais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai fait des efforts et je les ai fait rien que pour toi. Ouais, je n'ai pas envie d'être courtois. Dans tes excuses, tu peux les prendre et te les mettre, je pense, ouais. Juste un battement de cils, tu m'as plus vu sur ta route. T'as pas fait ce qu'il fallait. Tu ne me reverras plus jamais, plus jamais. J'aime bien faire l'aveugle, tu te vois que toi dans le miroir. Je t'avais prévenu, maintenant t'as du mal à y croire. J'étais juste à go, mais j'étais pas ta chose. Me manipuler plus jamais, plus jamais, ouais. Je n'ai plus le temps pour ces conneries. Je t'ai jamais demandé ce que je faisais dehors la nuit. Sur toi je me suis trop investie. Tous tes arguments je les entends, mais non merci. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai fait des efforts et je les ai fait.